franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Pauline de Mons. Bah alors, où est Mons? En Belgique? Non, il s'agit de Mons en Provence, joli village pittoresque accroché à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé, comme le chantait Michel Delpech. Oh, j'adore aussi quand il crie « Aline » pour qu'elle revienne. Oui, c'est vrai, et aussi quand il chante « Oui, Jérôme, c'est moi », alors que ce n'est pas lui. Bonjour Pauline, pour qu'elle revienne. Bonjour Margaret, bonjour docteur. C'est Philippe. Alors, que nous veut-on vous? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Mais que, en mieux, sachant que le mieux est l'ennemi. Coûte que coûte. Oui, alors mon problème est plutôt d'ordre physique. Mmh. Une amputation peut-être, non? Bah non, pourquoi? Non, je suppose. Comme une intuition. Eh ben, tant mieux. Ah oui, tant mieux, hein, parce que c'est dur à vivre, hein, de perdre un membre, et triste aussi. C'est comme faire le deuil de quelqu'un. D'ailleurs, ne dit-on pas un membre de sa famille? Non. Ah si, on dit un membre de sa famille. Oui, mais enfin, j'appelle pas pour ça. Eh ben, tant mieux. C'est à vous, docteur, que je voudrais demander si les crèmes qui ne sont pas testées sur les animaux sont aussi efficaces, genre crème antiride, crème pour le corps, vous voyez. Alors attendez, votre question c'est si les crèmes sont efficaces ou si elles sont sans danger pour les hommes, en l'occurrence surtout pour les femmes, hein, puisque je rappelle à nos auditeurs que les rides chez les hommes c'est beau, et que chez les femmes c'est plus dur à porter. Ouais. Je veux savoir si les crèmes sont dangereuses quand elles ne sont pas testées sur des animaux, si on a d'autres moyens de s'assurer qu'on ne risque rien, quoi. Alors madame, je ne vais pas vous mentir, hein, évidemment c'est beaucoup plus risqué d'utiliser une crème qui n'a pas été testée sur des animaux. Les crèmes solaires par exemple, ça c'est un exemple qui concerne toute la famille, hein, pas seulement les vieilles. Eh bien, si on n'avait pas exposé des dizaines, qu'est-ce que je raconte, des centaines, voire des milliers de petits chats, des rayons UV extrêmement puissants, eh bien vous ne pourriez pas aujourd'hui protéger vos bébés du soleil. Alors oui, alors, Pauline, bien sûr, on dit « Oh non, c'est trop triste, les petits chats !» Mais ce sont des animaux qui ont été élevés exprès pour ça et qui, d'abord, ne seraient même pas nés si les laboratoires ne les avaient pas commandés aux éleveurs. Et pour ce qui est des chats récupérés à l'état sauvage, ils auraient de toute façon été piqués tôt ou tard. Alors, c'est vrai, ces chats vivent mal, hein, souffrent dans des cages trop petites, les yeux crevés, les griffes arrachées, les oreilles brûlées avec des drôles d'instruments plantés dans le cerveau. Mais en attendant, ils vivent plus vieux puisqu'on est obligé de les maintenir en vie très très longtemps pour obtenir les résultats des expériences. Non mais c'est vraiment comme ça? Oui, oui. Mmh. Non mais j'ai lu que... Enfin, il y a d'autres méthodes quand même pour tester les crèmes. Non. Non. Mais si! Enfin, je crois que j'ai lu que sur des cellules de peau humaine en culture, on pouvait faire des tests et que ça marchait. Ouais, alors là, madame, attention, il s'agit de morale et d'éthique, là, pour le coup. Alors, je bondis. Moi, je bondis, vous comprenez, quand j'entends des choses pareilles, pardonnez-moi, des cellules de peau humaine. D'accord. Ça me rappelle un peu les expérimentations légèrement limites de Joseph Mengele. Alors, bien sûr, je vous entends d'ici, oui, mais sans lui, on n'aurait jamais su qu'en cousant deux jumeaux, ça n'en faisait pas des siamois. Alors, soit. Mais là, au moins, ça restait de l'humain. Et dans ce que vous évoquez, on fabriquerait de l'humain. Moi, ça me semble effrayant. Ben non, c'est juste des cellules embryonnaires, des cellules souches. À ma connaissance, madame, nous ne sommes pas habilités à créer la vie à partir de rien. Je crois que c'est quelqu'un d'autre qui en a le droit et qui nous est bien supérieur. Oh là là, mais non, mais pas pour fabriquer un être humain. Enfin, quoique maintenant, il paraît qu'on peut fabriquer des bébés médicaments. Soit. Alors, si vous voulez concevoir un enfant qui, une fois qu'il aura guéri son frère ou sa sœur, se retrouve déposé à la pharmacie dans un conteneur Cyclamède, libre à vous. Je pense juste que nous n'avons pas la même conception de la conception. Enfin, on s'est compris. Alors, je vais vous répondre rapidement et concrètement à votre demande initiale, hein, si ça vous intéresse toujours, l'expérimentation animale. Alors oui, madame, elle est essentielle à notre bien-être, surtout en matière de cosmétique. Lors d'un week-end oisif, hein, je ne sais pas si tu te souviens, Margaret, nous sommes allés visiter en famille le laboratoire d'un ami. Oui. Qui nous a montré une expérience tout à fait passionnante. Il a saisi une petite souris imberbe, vous savez, cette petite souris de laboratoire, toute rose et toute fripée, hein, par la base de la queue. Autant vous dire qu'elle se débattait comme un beau diable. Et il l'a plongée dans un bain de crème anti-rides de dernière génération. Eh bien, vous le croirez si vous voulez, la souris est ressortie toute lisse et toute tendue. C'est bien simple, on aurait juré une knacky-ball. Juste un bridou, père dodu, Catherine Mamet. C'est pour le CSA. Hein, tu te souviens, Margaret? Ah oui. Très, très, très impressionnant. Du coup, on voyait presque plus ses pattes, hein, comme une sorte de poisson-bulle. Ah bon? Mais c'est quoi cette crème miracle? Vous avez la marque? Ah oui. Non, mais mon ami a dû abandonner la formule. En effet, la souris était décédée. Ah, c'est horrible. Ah oui, mais madame, que se serait-il passé sans cette expérience, hein? C'est vous, peut-être, aujourd'hui, qui seriez toute gonflée et morte au bout du fil. Et oui, je rappelle que nous ne connaissons à ce jour qu'une seule personne qui ait réussi à se procurer cette crème. Alors, elle est heureuse, hein, de l'effet knacky-ball, mais elle est passée à deux doigts de la mort. Bon, alors, elle fait encore quelques galas, mais bon, c'est plus que c'était. Elle a d'ailleurs été obligée de revendre sa boîte de nuit. Mmh. Bon, alors vous pensez que ça vaut le coup d'utiliser des animaux et de les... Enfin, quasiment de les torturer, quoi. Alors là, vous commencez à avoir un discours un peu partisan, quand même. Ouais, non puis excusez-moi, mais torturer, c'est un mot fort. C'est par exemple la guerre d'Algérie, là, oui. Quand les Arabes ont enlevé des soldats français, là, ils les torturaient. Enfin, les Français ont torturé pas mal aussi, non? Oui, mais alors là, c'était uniquement pour obtenir des informations. Hein, c'est comme pour la vivisection, d'ailleurs. Du coup, je ne sais pas si on peut vraiment parler de torture. Hein. Ah oui, c'est pas faux. Eh oui, voilà. En plus, il faut aussi savoir vivre en lâchant prise et en faisant confiance à nos chercheurs, nos docteurs, nos généraux, des spécialistes qui connaissent leur travail et savent ce qui est bon pour nous. Alors, cet été, on se tartine de crème et toute la famille avec. On profite de la plage sans penser aux petits chats, aux petites souris qui, de toute façon, ne seraient pas allés à la plage. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Au revoir. Merci, Pauline. Merci. Bon, ben, comme Pauline m'a l'air un peu craintive, j'ai évité d'ajouter que, par contre, les rats s'invitaient souvent sur la plage en Thaïlande. Oui, c'est vrai, ça. Ils en font même des beignets. Hein. En tout cas, servons-nous des animaux pour instruire les hommes, comme le disait Jean de La Fontaine. Merci, Philippe, pour cette belle maxime. Merci, Yann Chouquet, d'avoir réalisé cette émission. Merci, Margaret. Au revoir, Philippe. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.